Donc, bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous entreprenons le chapitre 19 en ce lundi matin, et il nous reste seulement que quatre chapitres, et nous allons bientôt terminer ce livre qui nous a projetés dans l'avenir de l'Église, l'avenir du monde, mais surtout l'avenir pour la gloire de Dieu. C'est dans ce livre de l'Apocalypse que nous pouvons constater la gloire de Dieu d'une des plus grandes façons de ce qu'on sait dans les Écritures. Nous avons contemplé la gloire de Dieu à la création, nous avons contemplé la gloire de Dieu à la croix, et nous contemplons la gloire de Dieu dans l'Apocalypse, à la fin des temps, d'une façon plus grande encore, je dirais, que dans le reste de l'histoire. Prions ensemble avant de commencer. Notre Père du ciel, c'est toi qui nous attires, c'est toi que nous voulons voir. Nous voulons pas juste savoir ce qui arrive dans l'avenir, mais nous voulons savoir ce que tu veux qui arrive dans l'avenir, ce que tu vas faire pour que les choses arrivent dans l'avenir. C'est toi que nous voulons contempler, c'est ton Fils Jésus que nous voulons contempler, afin de s'unir au ciel, de t'adorer, te glorifier, te louer. Parle-nous encore ce matin, par ton esprit, dans ce beau chapitre 19. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons regardé dans les semaines qui viennent de passer la colère de Dieu qui s'est abattue sur le monde. On a vu ça à partir du chapitre 8, qui manifestait la colère de Dieu de plus en plus fort dans les premières trompettes et les premières coupes. Et ensuite, nous avons vu les malheurs qui ont atteint les hommes au chapitre 9, au chapitre 10, au chapitre 11 avec les deux témoins, au chapitre 12 avec le démon qui a été jeté sur la terre. On a vu au chapitre 14 la destinée de ceux qui sont marqués du sceau de Dieu et ceux qui sont marqués du sceau de la bête. Ensuite, au chapitre 15, nous avons vu l'aboutissement de la grande moisson. Nous avons vu au chapitre 16 le début des sept coupes de la colère de Dieu. Et ensuite, ça, on a vu au chapitre 17 et 18, les destructions de la grande prostituée et la destruction de la grande Babylone. Et Dieu, en les détruisant tous les deux, a vengé le sang des saints qui avait été immolé par la grande prostituée. Au chapitre 19, nous allons voir ce qui est souvent appelé les noces de l'agneau. Je vais intituler ce petit vidéo-là les Alléluia célestes. Parce que nous allons voir dans ce texte du verset 1 à 10, beaucoup de fois, le mot Alléluia qui intervient. Gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que le ciel crie gloire à Dieu à ce moment-là? Et nous allons voir quelques raisons, mais nous allons avant tout lire notre texte, si vous voulez bien, chapitre 19, verset 1. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia! Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia! Et une voix forte du trône disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux et comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant « Alléluia !» car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont véritables paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, c'est un moment très intense dans le ciel, après la chute de la grande prostituée et de la grande Babylone, il semble que le ciel se réjouit. Se réjouit. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, si le ciel se réjouit, c'est parce qu'il regarde au ciel, et non pas à cette terre qui est détruite, cette terre qui est un amas de chaos, de destruction, de mort. Mais dans le ciel, c'est les chants, c'est l'Alléluia. Donc, l'Alléluia est dite, ou est proclamée pour une seule personne, pour la personne de Dieu. Donc, la multitude des anges, la multitude des enfants de Dieu qui sont déjà dans le ciel, s'adressent à Dieu et crient, chantent, louent, adorent ce personnage-là. Nul autre dans le ciel va avoir un moment d'attention. Nul autre dans le ciel, qui que ce soit, qui est une créature angélique ou humaine, va jamais, au grand jamais, recevoir de la louange, de l'honneur et de la gloire dans le ciel. On ne s'arrêtera pas pour applaudir les bons saints chrétiens. On ne s'arrêtera pas pour souligner le bon travail de Paul, ou le bon travail de Moïse, ou le bon travail de telle ou telle personne. Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Pourquoi? On va voir trois ou quatre raisons. Pourquoi est-ce que c'est lui qu'on loue, c'est lui qu'on adore, et c'est pour lui qu'on crie Alléluia? Au verset 2, il dit, parce que ses jugements sont véritables et justes. Donc, les jugements qu'il a emmenés sur la terre, peu importe ce que nous, on en pense, des fois en tant qu'être humain, le ciel déclare ses jugements véritables et justes. Véritables dans le sens qu'ils sont selon la vérité. C'est des jugements qui ont été basés sur de la vérité. Et non pas sur des sentiments, sur des émotions, sur des idées, sur une imagination, sur une colère impulsive. Mais sa colère de Dieu était basée sur la vérité. Et elle était juste. Pas trop forte, mais assez forte. Parce qu'elle est juste. Et ces jugements véritables et justes ont atteint la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Donc, la terre était corrompue spirituellement à cause de la grande prostituée, de cette femme assise sur la bête, de cette grande Babylone où elle habitait. Elle a corrompu l'image de Dieu, elle a corrompu la pensée de Dieu, elle a corrompu l'idée de Dieu, l'image de Christ. Oh, souvent les religions parlent de Dieu, parlent de Jésus, mais c'est corrompu. Ils ont embrouillé l'image La vraie image de Dieu, la vraie image de Christ. On parle de Christ, mais comme d'un ami. On oublie de dire qu'il est roi. On oublie de dire qu'il est Seigneur. On a corrompu l'évangile en disant, si tu crois au Seigneur Jésus, tu vas aller au ciel. On ne parle pas de repentance. On va corrompre et dissimuler des vérités et ainsi tromper et emmener dans la débauche, dans l'idolâtrie, les habitants de la terre. Et pourquoi est-ce que le ciel crie Alléluia? Parce qu'il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. En jugeant la grande prostituée, il a ainsi vengé celle qui avait répandu le sang des justes, des prophètes, des saints. Au verset 3, ils dirent une seconde fois Alléluia. Et les 24 veillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Donc, le ciel en entier chante des louanges, se prosterne et adore Dieu à cause des jugements de ces sept coupes, de ces sept trompettes qui ont emmené sur le monde et détruit ainsi la grande prostituée, la grande Babylone. Et tout le monde adore Dieu dans le ciel. Je crois que nous, en entendant ça ce matin, en lisant cela dans notre livre de l'Apocalypse, nous devons nous aussi nous joindre à eux, même si ce n'est pas encore arrivé, par la foi. Nous louons Dieu, nous prosternons devant Dieu, nous adorons Dieu, nous disons Alléluia avec les autres. Parce que c'est notre destinée, c'est notre attente, c'est notre espérance. C'est notre Dieu dont on parle. Au verset 5, on va parler d'une deuxième chose qui pousse le ciel à louer Dieu. Il dit une voix sortie du trône disant, louez notre Dieu, vous tous les serviteurs qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule trompeuse, comme le bruit d'une grande eau, comme le bruit des forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car, le deuxième car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Et en détruit la grande prostituée et la grande Babylone, Dieu enlève aux autres leur faux règne, je pourrais dire même, leur fausse identité. Et il lui-même va régner. Il prend possession de son règne. Il va régner sur le niveau sur la nouvelle terre, sur les anges et l'Église. Il va régner sur le monde nouveau. Et c'est ça sa place. C'est ça qui doit être. C'est ça qui émane de la perfection. Dieu rend dans son règne. Il va régner. Il va régner. Ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison, au verset 7. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire. Car, un troisième cas, les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Elle s'est donnée de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin sont les œuvres justes des saints. Les noces de l'agneau. Finalement, l'Église va être amenée dans la présence de son époux, de son sauveur, de son seigneur, de son roi, de son maître, de son Dieu. Ça va être les noces, la rencontre des deux. L'apôtre Paul, il dit une place, nous voyons imparfaitement, comme à travers un miroir. C'est pas clair, clair encore, mais à ce moment-là, l'épouse et l'agneau vont se rencontrer. Et ça va être les noces de l'agneau. Pour la première fois, on va se voir face à face, tel qu'on est l'un l'autre. Nous ayant enlever notre chair, enlever ce qui est encore péché en nous, on a revêtu notre corps céleste, si je peux dire de même, on a revêtu notre pureté parfaite. Il n'y aurait plus en nous aucune trace de péché, Parce qu'on va avoir enlevé la chair. Et on va voir tel qu'on devait le voir Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Donc il dit, Alléluia à Dieu, car il a détruit la grande prostituée, car il a vengé le sang des saints, car il a entré dans son règne, car l'épouse va être emmenée dans la présence de son époux. Et il dit au verset 8, elle s'est revêtue d'un fin lin, d'une robe blanche, d'un fin lin parfait, pur. Et ce fin lin représente les œuvres justes des saints. Faut faire attention, là, quand on parle d'œuvres. On parle pas d'avoir donné notre argent aux pauvres ici. On parle pas d'avoir évangélisé. Les œuvres justes des saints, c'est l'adoration, c'est la louange, c'est la repentance, c'est la foi, c'est l'adoration, c'est ces choses-là dont on parle. C'est ces œuvres-là qui nous ont rendus purs. C'est d'avoir lavé notre robe dans le sang de l'agneau, par la foi. C'est ça qui nous a rendu. C'est de ces œuvres-là qui parlent ici. On parle pas des œuvres qu'on a faites, qu'on a. Moi, j'appelle ça ces œuvres religieuses-là, des fois, qu'on pense. C'est pas de ça qu'on parle. Et l'ange dit au verset 9, heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau, heureux êtes-vous. Moi, je dirais heureux maintenant pour nous. Et heureux ceux qui vont être là, bien entendu, hein. On va être encore, je pourrais dire, plus heureux parce qu'on va dans la perfection. À ces noces-là, comme je peux être heureux en anticipant la noce, puis être heureux d'être à la noce, je suis heureux maintenant parce que c'est moi la mariée, c'est moi l'épouse, c'est moi qui vais être dans cette splendeur-là, dans cette beauté-là, dans cette... On dit souvent que la mariée n'est jamais plus belle que le jour de son mariage, mais je vous garantis que nous, on va être jamais plus beau que le jour des noces de l'agneau. Le jour où on va être présenté devant notre époux, devant notre maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Jean est tellement ébloui qu'il tombe sur sa face pour adorer l'ange. Et l'ange, à toute vitesse, lui dit, non, non, non! Garde-toi de faire cela! Adore Dieu! Adore Dieu! Seul, je suis seulement qu'un compagnon de service. Je trouve ça tellement triste de voir tout ce monde aujourd'hui qui adore les anges, qui prie les anges, qui se confie dans les anges, qui recherche la protection des anges. Les anges disent non, non, non, non. Nous sommes seulement comme vous, des compagnons de service. Au service de quoi? Pas au service des hommes, au service de Dieu. Adore Dieu pour tout cela. Oh, mes frères et sœurs, je vous encourage à prendre quelques instants après la vidéo pour adorer, louer notre Dieu dans l'anticipation que nous sommes de ce grand jour de nos noces avec l'agneau. Notre Père du ciel, merci de nous faire retentir. Du futur vers nous aujourd'hui. Que le ciel va être une place où ce que tu vas recevoir la gloire. Le ciel est une place où ce que nous allons nous joindre à nos compagnons de service qui sont les anges et nous allons continuer à servir notre Dieu qui va être entré dans son règne. Et nous allons pouvoir te louer et t'adorer comme tu le mérites à la perfection. Au nom de Jésus, Amen.